devant le four, les Yankees chauffant degrés Celsius. Et la nuit, c'est des balles perdues qui ronflent dans ma rue. H24, on charbonne mes punchlines, pèse des tonnes, souffle, flash sur le périph, zigzag. C'est d'art entre les peines planchées, mes rêves, mes cauchemars se sont pas choqués. Oh, ké, pas la peine de faire les gros bras, le mec bizarre, étrange. C'est œil pour œil, je te fous droit, même si à ce qui paraît, j'ai une gueule d'ange, une gueule d'ange. Je vais te défoncer, boy. Illégal, c'est la routine. Un coup de feu, ça part vite, le temps tu cogites. La jante tourne comme la roue, et ça, depuis que je roule sur l'or. C'est la Northside qui te parle, tu m'as reconnu, mais parle pas. Radmour, roule un ouinge, tire une taf. Au Ragné, on prévient qu'une fois. J'ai assez de bastos pour te faire valser sur toute la capitale. H24, super, de la repu, de la 09. J'passe partout vu que j'ai la carte vitale. Devant une grosse part, j'me sers. 2007, y'a plus d'âge avec de la repu, de la 09. Ton pif est devenu une patinoire. Tout le monde sur la piste de danse. Un coup de zif suffit pour plomber l'ambiance. Pour ma Northside, j'me donne au maximum. Low prod, vas-y go go, c'est mon birthday, 21 bastos. Viens récupérer ta part du gâteau, viens récupérer ta grosse garce qui te bluffe. Mais attention, j'ai aussi un gros neuf pour tenir à l'écart carré VIP. Tu m'as reconnu, mais parle pas, tu m'as reconnu, check ça. Tu m'as reconnu, tu vas faire quoi? Tu m'as reconnu, clic clic, hein. Excuse-moi, c'est la Northside qui te parle. Tu m'as reconnu, mais parle pas. Radmour, roule un ouinge, tire une taf. Au Ragné, on prévient qu'une fois. J'ai assez de bastos pour te faire valser sur toute la capitale. H24, super, de la repu, de la 09. J'passe partout vu que j'ai la carte vitale. Tu m'as reconnu sur un gros beat, même si ta chatte fissure. Oh, je reviens de loin, barrière argentée, la jante tourne à l'envers, mais t'inquiète, le disque d'or est sur mon droit chemin. Je me la joue gangsta parce que ça me va bien. Les armes, les billets roses, la coke, tout ça c'est mon 9-5. 2007-2008, mon son, un avertissement qui sort en semi, sponsorisé par la feu-genou. Trop speed, quand il rôde des mortels, quand il tourne en boucle sur Paris, Paris. C'est la Northside qui te parle, tu m'as reconnu, mais parle pas. Radmour, roule un ouinge, tire une taf. Au Ragné, on prévient qu'une fois. J'ai assez de bastos pour te faire valser sur toute la capitale. H24, super, de la repu, de la 09. J'passe partout vu que j'ai la carte vitale. C'est la Northside qui te parle, tu m'as reconnu, mais parle pas. Radmour, roule un ouinge, tire une taf. Au Ragné, on prévient qu'une fois. J'ai assez de bastos pour te faire valser sur toute la capitale. H24, super, de la repu, de la 09. J'passe partout vu que j'ai la carte vitale.